laisse-moi te condoler. Je serai de l'idée. Je ne cesse d'espérer pouvoir te déshabiller pour découvrir ton corps et enfin y goûter. Elle est si sensuelle et tellement belle. Mais qui est-elle? Oh, je ne vois plus qu'elle. Son corps m'appelle. Mais qui est-elle? Elle se dévoile enfin. Petit mouvement, oh que j'aime ça. Continue, continue, non ne t'arrête pas. Nous sommes en phase et tu me fais du bien. En pleine extase, là je sens que je viens.